Cet épisode a été écrit par Glup. Ceci n'est pas son vrai nom, bien entendu, car Glup, c'est dur à porter en société. Qui se cache derrière ce nom de Glup? Qui est-il? D'où vient-il? La seule chose que vous aurez le droit de savoir est que Glup est un auditeur et, accessoirement, le grand gagnant du concours aussi loin que s'en souviennent les lilas. Spécial guest star de cet épisode, Christophe Lambert as Vercingétorix, un Jean-Claude Van Damme as Conus Karatecus. Ah bémol si. Vincent! Oh, c'est vous, Vincent! Entrez donc, vous allez mieux? J'ai appris pour votre accident dans la grotte de Gloria Lascaux avec monsieur le maire. Oui, une bien triste histoire. Venez, asseyez-vous dans la maison de Dieu. Waouh! Ce qui m'a toujours choqué, c'est que Dieu, il a plein de maisons et souvent super grandes. Oui. Ce qui est avantageux, c'est que nous ne payons pas le loyer. Un petit vin de messe? Je ne suis pas catholique, je suis athée. Du thé? Très bien, je vous le fais tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dites-moi, cela m'intrigue. Oh, l'histoire serait longue à raconter. Non, non, le plus important, c'est que si nous sommes entrés dans la grotte de Gloria Lascaux, monsieur le maire et moi, c'est parce que nous accompagnions le professeur Abronsus, un archéologue. Il était venu à Bitbourg chercher l'épée de Damoclès, un truc comme ça. Il parlait aussi d'une vie de puresse. Enfin, c'était bien compliqué, et j'aimerais bien que vous éclairiez ma lanterne. Oh! Cela vous gêne? C'est que je n'ai déjà plus de piles pour ma lampe de poche, alors, pour vous éclairer. Mais non, je voulais que vous me racontiez le passé de Bitbourg, sous l'Antiquité. Ah, oui. Dites-moi qui était Vince Davius et ce que vient faire une épée grecque, l'épée de Damoclès dans tout cela. Eh bien, je m'assois, hein, car l'histoire sera longue. Eh bien, tout commence en 25 avant J.C. Jésus-Christ, donc? Non, Jean-Christophe, son frère aîné. On l'oublie trop souvent, Jésus est né 2 ans après lui. Bitbourg s'appelait alors Burès, et était sans nul doute la plus somptueuse ville à s'ériger à l'est de la Gaule, abritant pas moins de 50 000 âmes. À cette époque, Burès était le lieu privilégié des marchands et des barbares. Non loin de Burès, il y avait une ville, Lurios, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Mon Cul. Votre cul est une ville? Mais non, Mon Cul, vous connaissez les maçons de Mon Cul, enfin. Ah oui, c'est vrai, c'est ceux qui torchent les immeubles. Ceux qui ont construit l'hôtel de Bitbourg. Mais arrêtez de m'interrompre, sinon je n'y arriverai jamais. La ville de Lurios, donc, s'embrasait sous des conflits incessants qui opposaient les autochtones et les romains. Pour mettre fin à cette période d'occupation, les gens de Lurios demandèrent l'intervention du princeps de Burès, le grand prince de l'époque. Pour ce faire, Lurios envoya sa plus noble émissaire, l'instigatrice de la rébellion à Lurios, Sandalinae. Hola, Conarus, vire ton char d'ici, je dois pas sus. Mais enfin, je ne suis qu'un pauvre épicier qui promène sa marchandise dans les rues de Burès pour la vendre. Ouais, je sais bien qui tu es, Abdulus Polus, mais je dois passer. La dame que j'emmène est une importante personne de Lurios. Elle a rendez-vous avec le princeps. Oh, misère, je dois faire marche arrière. C'est dur avec ce char, il n'a 15 chevaux. Eh ouais, il faut prendre les derniers, les 3 chevaux. Ils sont plus rapides, ils tiennent mieux la route et en plus, ils ont un Erus Bagus à l'avant. Mon Dieus, c'est trop chérus pour moi. Allez voilà, passez. Merci bien, Abdulus. À la prochaine dans ton épisaé. Allez les chevaux, nous serons bientôt au palais, madame. J'espère bien. Lurios est en feu. Nous devons faire vite. Lurios? Oui, la ville de Mon Cul avec les conflits opposant les habitants de Mon Cul et les Romains. Mon Cul était en feu. Mais enfin, abbé, vous êtes un homme d'église. Pardon? J'ai du mal à suivre. Bon, arrêtez de m'interrompre maintenant et retenez bien ceci puisque vous avez du mal apparemment. Bitbourg s'appelait sous l'Antiquité Burès et Mon Cul s'appelait Lurios. Donc Sandilinae rejoignit le palais du princeps pour lui demander son aide. Monsieur le Princeps! Oui, son conseillus, qu'y a-t-il? Pourquoi me dérangez-vous lorsque je dîne en compagnie de ces charmantes dames? Comme ce raisin est bon. Ceci était un rôt de satisfaction, évidemment. Sandalinae de Lurios demande à vous voir. Sandalinae ? Par la louve de Rome, faites-la entrer. Je me suis déjà permis d'entrer, princeps. L'heure est grave. Lurios est en feu. Nous vous demandons votre aide pour repousser les Romains en place de notre ville. Mais ce serait dire merde à Rome et à Jules. Entendez par là Jules César. C'est que nous sommes intimes. Oui, princeps. Mais entre Jules César et moi, qui est-ce qui a un bon coup ? Vous me mettez dans une situation délicate, Sandalinae. Bon, c'est décidé. Ça va être Marus. On va vous aider. On va se fendre la poirusse et virer les Romains de votre ville. Après tout, je suis moitié Gaulois, moi. Je peux faire ressortir ce côté pour prétexter une petite guerre. Et puis le Sénat romain va trouver cela drôlement chouettus, je suis sûr. Merci, princeps. Rome, 4h de l'après-midi, au Sénat. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Je suis Jules César tout de même, votre empereur. Bon, très bien, si vous ne me laissez pas parler, je fais pipi dans l'hémicycle. Monsieur, notre empereur Jules César veut parler. Bon, on se dépêche de clore cette réunion parce qu'il est 4h et qu'après c'est goûté, hein. Brutus, arrête de jouer avec ce couteau pendant que ton père parle et va rejoindre ta mère. Quel branlurus celui-là. Messieurs, les sénateurs, j'ai ici en ma possession les derniers chiffres de dépenses de notre campagne de colonisation du monde. C'est bien, je suis fier de vous, hein, et des soldats aussi. J'ai la Prusse et j'ai la Gaule. Ma femme me disait que je n'aurais jamais ce plaisir-là et elle en était bien triste, mais non, aujourd'hui, j'ai la Gaule, je le dis bien haut et bien fort. Jules César ! Oh, Jules César ! Oui, qui me parle ? Je suis le sénateur Lactus Caius, mon empereur. On vient de m'apporter une mauvaise nouvelle de l'est de la Gaule. De l'est de ma Gaule ? Oui, César, le princeps de Burès et ses courageux de sa part est venu en aide à la ville de Lurios. Il les a libérés de notre joug. Notre joug ? Mais quel joug ? Notre joug, Jules. Par Romulus et Rémus, ceci est un contre-pouvoir. Voudrait-il me défier ? Le princeps de Burès ne s'est jamais fait remarquer auparavant, Jules. Il vient de nous montrer qu'il était capable de faire de grandes choses. Élisons-le sénateur à Rome. Cet homme a de l'avenir. Il dirige Burès depuis, paraît-il, 2 générations. Oui, élisons-le sénateur, oui. Attendez, messieurs. Mais messieurs, réfléchissons. Si cet homme est capable de libérer une ville, peut-être essaiera-t-il de me voler ma Gaule. Il est dangereux. Ah oui, c'est vrai. Oui, on lui donne ça et il en voudra plus. Nous devons prendre des mesures draconiennes. Voilà, des mesures comme ça. Le princeps de Burès pourrait à long terme nuire à l'image de Rome. Même si pour le moment il a l'air d'être un fiefé malin et un bon conspirateur. Il faut l'éliminer. Mais comment faire ? Si vous me permettez, Jules, sénateur Jamus Bondus, je m'occupe des services secrets de votre armée. J'ai un agent susceptible d'accomplir la mission. Il est, par-dessus tout, les conspirations. Ah oui ? Et tu auras le princeps ? Le prince de Burès n'est déjà plus un problème pour nous. Il s'appelle Vince Davius. Il n'a jamais la Gaule, ce qui est un bien. Il ne tentera pas de vous la voler. Oui. Eh bien, envoyez-le, il éliminera le princeps de Burès. Allez, la réunion est close. Moi, je vais goûter, la Paxus soit sur vous. Le princeps de Burès avait vu juste l'espace d'un instant. Avec son aide apportée à Lurios, il avait montré ses capacités de stratège et avait impressionné les sénateurs. mais Jules César était un homme ambitieux qui ne supportait pas qu'on tente de l'égaler. Vincé Davius fut donc envoyé à Burès pour assassiner le princeps et rétablir ainsi l'ordre romain dans l'est de la Gaule de Jules. Ils se font manger par les lions. C'est marrant, ces petits bouts de chair qui s'envolent sous les griffes de ces magnifiques félins. Ça en devient même beau. À quand les gladiateurs, monsieur son conseillus? Dans peu de temps, princeps. Oui, je veux des gladiateurs. Ces hommes musclés avec de l'huile plein le corps qu'on dirait des nems, en fait. Vous aimez Sandalinae? Moi, j'ai plus de Popus Cornus. C'est dommage. Ne craignez rien. Monsieur son conseillus va vous en chercher. Tout de suite, princeps. Ces jeux du cirque sont faits pour vous, Sandalinae, et pour Lurios. C'est votre fête aujourd'hui. Je ne vous remercierai jamais assez, princeps. Oh, vous pouvez toujours tenter. Merci. Encore? Merci. Encore? Merci. Encore une fois? Merci. Allez, encore? Merci. Non, c'est vrai. Je vous l'avais dit. Vous ne me remercierez jamais assez. Le peuple de Lurios vous est tout entier dévoué maintenant. Il est libre, mais il vous restera jamais fidèle. Nous ne sommes plus obligés de parler italien maintenant, avec des mains pleines de gourmettes en or. Oui, c'est vrai que c'était embêtant pour certains. Oh, chouettus, les gladiateurs! Ave princeps, ceux qui vont se fétus l'agulus de salutante! Allez, mes enfants, allez! Tranchez-vous les membres, tailladez-vous les muscles, cassez-vous l'agulus! Regardez ce gladiateur là-bas. Oh oui! Il y en a un qui reste tout seul dans son coin et qui ne semble pas participer. Pourquoi donc? Un autre qui l'attaque. Mais que fait-il? Mais il va se faire mal aux jambes à courir comme ça. Je crois qu'il tente de fuir, princeps. Son poursuivant vient de chuter et de s'empaler sur son trident. Regardez, princeps. Tous les autres gladiateurs sont morts. Il ne reste plus que l'homme qui court très vite. Avancez-vous, homme qui court vite. Qui ça, moi? Eh bien oui, tous les autres sont morts. Comment voulez-vous qu'ils s'avancent, hein? Aussi loin qu'on s'en souvienne à Bitbourg, les morts ne se lèvent jamais quand on leur demande. Me voilà, princeps. Comment vous nommez-vous? Vincé Davius, princeps. Je suis votre humble serviteur. Vous êtes esclave? Oui. Je vous affranchis alors pour être le seul survivant de ce combat de gladiateurs. Approchez-vous que je vous tamponne. Eh bien quoi? C'est que je préfère les barbiers ou bien les femmes, princeps. Mais non! Vous tamponnez avec ce tampon pour vous affranchir! Voilà, vous voilà libre. Vous dînerez ce soir à ma table. Nous avons un autre invité d'honneur, la dame à côté de moi, Sandalinae. Elle ne repart que demain à Lurios. On va sûrement faire une grosse orgie. Vincé Davius était donc rentré dans le cercle des intimes de Princeps. Il ne les restait plus qu'à passer à l'acte. Mais il était bien plus malin que ça pour frapper tout de suite. Non, il avait tout autre chose en tête. Vous aimez ce vin? Il a un arrière-goût de pied. C'est normal. Il faut bien écraser les raisins avec quelque chose, non? Buvez, mon amus, en l'honneur de Sandalinae et de Lurios et de ma charmante ville de Burès. Faites entrer les danseuses perses. Ce festin est digne d'un empereur, princeps. Mais dites-moi, suite à l'aide que vous avez apportée à la ville, à Lurios, vous n'avez eu aucun problème avec le Sénat? Pas de nouvelles jusqu'ici, hein. Et puis de toute façon, maintenant, j'ai un garde du corps, hein. Vincé Davius, vous voulez bien être mon garde du corps? C'est-à-dire que je garde votre corps? Eh bien oui! Que vous empêchiez toute tentative d'assassinat sur ma personne! J'accepte avec joie, monsieur le princeps, mais je n'ai aucune arme pour vous défendre. Ah, oui, une arme! Son conseillus! Vous allez voir, Vincé Davius, son conseillus est mon plus fidèle conseillus. Il est fourbe, traître, lâche et veule. Il est génial! Son conseillus? Me voici, princeps. Que puis-je faire pour votre magnificence? Apportez l'épée du mangeur de moussaka, là. L'épée? Mais princeps, c'est un cadeau pour vous. Vous ne comptez pas l'offrir à ce gladiateur? Eh bien, si, son conseillus. Flavugenus ? Ce n'est guère Moralus. Oh, et puis dans mon cul, la Moralus. Allez, allez ! Bon, très bien. Je vous l'amène si c'est ça que vous voulez. Une épée grecque ? Oui, un certain Damoclès me l'a offert il y a bien longtemps, lorsque j'étais à Troie. Vous n'étiez pas seul ? J'étais à Troie. Mais où sont passés les deux autres ? Je ne sais pas. De quels deux autres vous voulez parler, Vince et Davius ? Eh bien, de ceux qui étaient avec vous quand vous étiez à Troie. Vous avez été à la... Vous avez été dans la ville de Troie. Oh, quel grand voyageur vous avez dû être dans votre jeunesse. Oui, j'avais des réductions pour voyager dans les chars long trajet. J'ai rencontré un grec sympathique, comme sont tous les grecs, je pense. Nous nous sommes aimés près de l'acropole à Athènes, et il m'a offert un présent, son épée. La voici, Préceps. Ah, Vince et Davius, voici votre arme. Ce sera désormais le bras de ma protection. Il s'agit de l'épée de Damoclès. Faites-en bon usage. Avec plaisir, Princeps. Avec plaisir. Quel salaud! Il joue un double jeu, il s'approprie la confiance de ce naïf Princeps de Burès et va le poignarder dans le dos après, avec l'épée de Damoclès en plus. Oui, une épée investie d'un grand pouvoir que beaucoup ignoraient. Celui qui se plaçait sous sa lame devenait l'esclave du porteur de l'épée. Il ne restait plus qu'à Vince et Davius de choisir le bon moment pour assassiner le Princeps et trouver le bouc émissaire idéal, en la personne de Sandalinae. Après le festin, la grande dame de Lurios rejoignit sa chambre et Vince et Davius la suivit. Madame, puis-je entrer ? Vincent Davius, que me voulez-vous ? Vous contemplez la beauté de Burès de votre balcon ? C'est une belle ville, n'est-ce pas ? C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, Vince et Davius, on peut dire que vous avez eu de la chance aujourd'hui. Passer du gladiateur à proche du princeps, c'est un bien grand pas dans la vie d'un homme. Ouais, c'est vrai, ouais, je suis trop fort, je suis un héros même. Mais vous êtes belle dans la lumière des étoiles, Sandalinae. Oseriez-vous me Dragus, moi, la grande dame de Lurios, celle qui animait fut un temps la rébellion contre les forces romaines ? Que fait une Gauloise avec un princeps romain ? Il est mi-gaulois, vous savez. Mais il travaille pour le Sénat. Il s'est opposé au Sénat, venant à l'aide de Lurios. Que cherchez-vous ici, Vince Davius ? Qui êtes-vous donc ? Oh, ah, Sandalinae, dès que je vous ai vu, mon cœur a fait des bonds de cabri dans ma poitrine. Ah, comme ça a dû vous faire mal. Mais non, c'était une image pour vous dire que je vous trouve bonus. C'est vrai ? Vous me trouvez belle ? Vous m'aimez ? Dès que j'ai posé mon premier regard sur votre corps digne d'Athéna, j'ai su que c'était vous et personne d'autre. Sandalinae, je vous aime. Prenons-nous dans les bois. Oh, Vince, non, ce serait trop tôt. Mais il est bientôt minuit. Je veux dire, nous nous connaissons depuis si peu de temps. Alors j'attendrai, mais mon cœur saignera dans la patience. Je m'en vais dans ma chambre, douce Sandalinae. Je repars pour Lurios demain. Mais nous nous reverrons bientôt. Le princeps enverra de nouvelles troupes à Lurios. Peut-être les accompagnerai-je. De nouvelles troupes ? Mais... nous sommes une province libre désormais. Nous n'avons plus besoin de troupes. Ouais, mais c'est pas moi qui décide. Vous imaginiez que le princeps allait vous aider sans en gagner quelque chose ? Lurios lui appartient maintenant. Burès est une grande province qui ne demande qu'à s'étendre. Ainsi, il gagnera les faveurs du Sénat. Partout Tatis. Oui, partout des Tatis. On peut voir les choses comme cela. Mais il y a un moyen de l'en empêcher, Sandalinae. Je vous laisse y réfléchir. La bonne nuitée, madame. La bonne nuitée, Vince Davius. Je suis trop malin. Elle va assassiner le princeps, sera bien entendu accusée et la paix reviendra dans la région. Je suis fourbe. Vince Davius ? Oh, son conseiller, je ne vous avais pas vu. Mais vous ne dormez pas encore ? J'y vais de ce pas, son conseiller. J'y vais de ce pas, ne vous inquiétez pas. Oui, je vais dormir... Et demain ? Demain sera un autre jour. La nuit passa sur Burès comme un voile sur une peau d'un jeune enfant de cœur. Et Sandalinae fut chamboulée par les révélations de Vince et Davius. Le princeps voulait conquérir Lurios ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Fallait-il en arriver à le tuer ? Et Vince et Davius, avec son bon corps huilé, était-il amoureux d'elle ? Le matin arriva avec les oiseaux qui chantent, des oiseaux tout mignons avec des belles voix comme les enfants de cœur. Vince et Davius voulaient se faire aimer de Sandalinae, Et pour cela, il ne voyait plus qu'une chose à faire. Se faire coiffer et raser la barbe par le barbier de Burès, également Coiffus Visagius, le grand Pétus Bruchus. Bonjour, bonjour, Pétus Bruchus, tout coupus, tout chevus, prend aussi les matrones. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vince et Davius, nouveau garde du corps du princeps, je viens me refaire le visage. Oh, il en a bien de la chance, le princeps, d'avoir un garde du corps aussi huilé. Veuillez prendre place sur le fauteuil, ici, voilà. Rasius, ma barbus, et coupus, mes chevus, je t'en donnerai un bon prix, beaucoup de sesterces. Génialus, génialus. Oh, comme vous avez la peau douce. Vous étiez gladiateur avant ? Ça sent. Les gladiateurs mettent toujours du monoeil sur leur peau. Ça adoucit l'épidermaï. Vos mains, elles sont douces également. Oh, vous trouvez ? Quelle étrange beauté, Pétus, mais... Oh non, je ne peux. Ce serait mal. Je ne peux pas tomber amoureux de vous, Pétus, ça me ferait mal au cul. Au cul ? Non, au cœur, j'ai l'abcussé. Coupez-moi les cheveux et rasez-moi la barbe, vite. Oui, mon beau prince. Non, arrêtez, Pétus. Vous avez une femme dans votre vie, c'est ça ? Oui, Pétus, c'est ça qui... Oh, je ne pensais pas avoir un coup de foudre pareil pour un homme. C'est que je ne suis pas tout à fait un homme. Ah oui, c'est vrai, vous avez des seins, je ne les avais pas vus. C'est du siliconus, une implantae du doctorus Paolae Botomis. Enfin bref, mon ami Pétus Bruchus, nous nous connaissons seulement depuis quelques minutes, trop peu pour faire une grande histoire d'amour. C'est fini. Oui, je vais super vite. Vous êtes tout propre, tout beau. Oh, quelle tragédie. Alors adieu, Pétus. Nos chemins ne se recroiseront jamais pour le bien de nos culs. De nos cœurs. J'ai encore l'abcussé. Oh, tristesse des dieux, pourquoi me faites-vous cela ? Un homme si jeune, si beau, et qui avoue un penchant sur ma personne. Moi qui jusqu'ici me contentais de cochon. Oh, qui est donc cette femme qui me vole ce cul, ce cœur ? Je me vengerai, je lui trancherai la gorge, et Vince et Davieux sera de nouveau seul. Excusez-moi. Oui, Pétus Bruchus, toute coupus, tout chevus, prends aussi les matrones. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Oh, quelle vilaine chevelure ! Je suis Vercingétorix, je cherche Allégia. Je dois y déposer mes armes ou un truc comme ça car j'ai perdu la guerre. Tant d'hommes sont morts. Ça m'a appris une chose, la guerre, c'est drôlement vilain. Excusez-moi, mais vous regardez dans quel sens, là ? Vous louchez ? Oui, je louche. Et vous jouez vachement mal. Oui, je suis Christophe Lambert. Ah oui, j'avais oublié votre sale rire. Allégia, c'est la troisième à gauche après les thermes. C'est la route directe. Merci. Partout à tiche, merci. Messieurs, messieurs, laissez me parler votre empereur, messieurs. Ah, je crois que je me suis cassé une corde vocale, là. Je me suis cassé une corde vocale, non? Non, mais sérieux, je crois que je me suis cassé une corde vocale. Bon, messieurs les sénateurs de Rome, Vercingétorix a perdu. Toute la Gaule est vraiment à nous. Je pensais hier que c'était des affaires, mais non, un petit village résistait, alors il est tombé ce matin. J'ai rendez-vous avec Vercingétorix. Qui ça ? Vercingétorix. On a mal entendu, là. Hein. Vercingétorix. Silence. Ça vous fait rire ? Qu'est-ce qui vous fait rire, hein ? Vous, monsieur le gros sénateur, qu'est-ce qui vous fait rire ? C'est moi ? Non, Jules César. Indite. Non, Jules César. Et vous, c'est pas moi qui vous fait rire ? Non, Jules César, non. Hein. Très bien, très bien, très bien, très bien. Vercingétorix. Vous rigolez ? Non, César, je retenais Ro. Ah, un Ro. Un Ro à la Vercingétorix. Oh, mais c'est une succession de Ro à la Vercingétorix. Moi aussi, je rigole. Regardez, je m'esclave. C'est désopilant, vous deux. Oui, Jules César. Oui, Jules César. Vous rirez avec Vercingétorix. Et avec les lions du cirque. Très bien. Bon, c'est juste pour vous dire que j'ai quitté Rome pour Allégia et qu'ensuite je passais par Burès pour m'assurer que tout s'est rentré dans l'ordre. Allez, cogito ergo sum. Ce midi-là, le princeps organisait une grande réception en l'honneur de Sandalinae pour célébrer son proche départ pour Lurios. En effet, elle prenait le char de 17h45 l'après-midi même, et dans le grand jardin du palais, là où les fontaines avec des statues d'hommes qui font pipi côtoyaient celles des dieux, les plus grands et fiers habitants de Burès appréciaient l'accueil de leur princeps et de son conseiller, son conseillus. Les réceptions du princeps étaient réputées pour leur bon goût et la qualité de leur accueil. Oh, des trucs comme ça tout marron avec des petites pépites de je sais pas quoi dessus. C'est bon. Où est mon garde du corps? Il était chez le barbier coiffus visagus petus bruchus. Il ne devrait pas tarder, n'en mangez pas trop, monsieur le princeps. Souvenez-vous, cela donne des coliques après. Oh, oui, c'est vrai, c'est pire que Pompéi. Oh, Sandalinae, venez ma chère. Princeps de Burès, vos réceptions sont vraiment de qualité. N'est-ce pas? Oui. Voulez-vous un verre? Non, non, merci, j'en ai déjà plein chez moi. Oh, comme c'est dommage. En fait, je veux dire, c'est bien pour vous que vous ayez assez de vaisselle chez vous. En réalité, je pense que monsieur le princeps voulait vous offrir quelque chose à boire. Ah oui, tiens, pourquoi pas. Vous voulez quelque chose à boire? Volontius. Garçon? Oui, vous, jeune homme, viens de ici. Voilà, tenez, Sandalinae, goûtez donc cet alcool d'anus. De l'alcool d'anus? Oui. C'est grec à la base, ils appellent ça anus. Mais comme vous le savez, il ne faut pas faire confiance aux grecs, ce sont tous des homosexuels. Hein. Sauf mon ami Damoclès. Oui, surtout votre ami Damoclès. Comme nous sommes romains, nous avons décidé d'appeler cet alcool d'anis, alcool d'anus. De toute façon, moi, je vous dis ce que j'en pense, c'est de la merdaille. Oh, veuillez nous excuser, Sandalinae, mais j'aperçois là-bas un petit oiseau qui a fière allure. Mon côté chat ressort, j'ai envie de chasser. Vous me suivez, son conseillus? Comme vous voudrez, monsieur le princeps. Il a pris des drogues, hein, il a pris des drogues, hein, c'est pour ça, hein. Très bien. Sandalinae? Vince Davius. Oui, c'est moi, vous m'avez reconnu. Vous n'avez guère changé depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Oui, c'est vrai, j'ai une notion du temps extrêmement compliquée. Oh, Vince, je n'ai pas arrêté de penser à vous toute la nuit. Oui, moi aussi, oui. Vous aussi, vous ressentez des sentiments à mon égard. Pardon? Non, non, j'ai pensé à vous parce que vous ronflez beaucoup la nuit et que nous dormons dans des chambres voisines et... Oh, merdus, merdus! Pense à ta mission, Vince Davius. Si elle t'aime, tu peux la pousser à tuer le princeps. Et ainsi, ta mission sera réussie sans que tu en subisses de mauvaises conséquences. Oui, Sandalinae, mon cœur bat pour vous. Oh, c'est-à-dire que si je ne vous aimais plus, vous en mourriez? Oui, j'en mourrais... Mais non, Folus, celle-là. Enfin bref, je vous aime, ma douce. Avez-vous réfléchi à ce que dont je vous ai parlé la nuit dernière? Oui, j'en suis arrivée à une conclusion qui me coûte. Une conclusion? Ça se trouve à Burès, ça, comme quartier? Je dois tuer le princeps. Bah, vous n'y pensez pas? Oh non, ce serait horrible. Votre peuple serait à jamais libéré de toute contrainte. C'est le seul moyen. J'agirai pendant la siestus de princeps. Je puis vous aider réellement, je... Je comprends. J'agirai seul. Pour moi, pour Lurius, pour vous et pour notre amour. Sandalinae a tué le princeps? Ce Vince Davius était fourbe, quel conspirateur! C'est vilain comme histoire tout ça à Belmalti. Mais l'épée de Damoclès, à part que le princeps l'est offerte à Vince Davius, je ne vois pas trop son importance dans l'histoire. Attendez, jeune ami, attendez, je n'ai pas fini loin de là. Donc Sandalinae attendit la sieste quotidienne du princeps comme toujours après ses repas. Il se retirait dans sa chambre, le ventre plein, et s'endormait joyeusement pour profiter d'un sommeil, durant lequel, selon la légende, les dieux lui chuchotaient les choses à faire pour Burès. Mais en réalité, c'était son conseillus qui dormait au pied de son lit et qui parlait dans son sommeil. Allez, son conseillus, au pied, moi je vais me reposer. Dormez bien, Princeps. Nous devons nous réveiller pour 17h car Sandalinae s'en ira peu après. Il serait bon pour vous de lui dire au revoir une dernière fois devant le peuple de Burès. Oui, oui, allez, on dort. Et ne vous frottez pas contre ma couette cette fois, hein. C'est Vilenus, Vilenus. J'avais rêvé d'un rapport sexuel, c'est pour ça. Eh bien, ne rêvez plus, grand fou. Allez, on dort. Ronf, ronf, ronf, ronf, ronf, ronf, ronf, ronf, ronf, ronf, ronf. Et Sandalinae entra dans la chambre nu-pied sans apercevoir le corps roulé en boule de son conseillus. Elle frappa le princeps de plusieurs coups de couteau sans que cela ne fasse grand bruit. Flus aïe, flus aïe, flus aïe, flus aïe, flus aïe, oh, je me russe. Telles furent les dernières paroles du princeps de Burès. Oh mon dieu, du sexe, de la trahison, de la violence, et des conspirations. Burès ressemble bien au Bitbourg d'aujourd'hui. Mais enfin, c'est normal, jeune ami, Burès est l'ancien nom de Bitbourg. Continuez. Sandalinae rejoignit Vince et Davius dans sa chambre et ils partirent tous deux pour Lurios. L'ancien nom de mon cul. Vous nommez votre cul comme c'est étrange. Non, la ville de mon cul. Ah oui, vous voulez dire Lurios. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne suis qu'un modeste épicier de Burès. Relâchez-moi, je vous donnerai mon char. Conduis-nous à Lurios, Abdulus Polus. Sinon je te coupe les testiculus. Dépêchons-nous. Très bien, très bien. Mais Lurios, ce n'est pas si près que ça de Burès. Nous n'arriverons que ce soir. Vritra. Mais vous n'êtes pas romain, vous êtes un go. J'ai connu un go dans le passé. Il venait de la ville de Michet. Quel sacré gars ce go de Michet. Un peu glandus, mais bon. Mais dis, tu vas te presser, oui. Bientôt. Bientôt, Vince Davius, bientôt nous serons ensemble, à Lurios, ma ville, et nous serons à l'abri dans la paix et le bonheur. Son conseillus, voici le centurion Directus. La centurionne, va donc, hé, en culus. Mais vous êtes une femme. Oui, son conseillus, et alors, ça vous gênus? Non, pas du tout. Non, c'est que votre nom, votre grade, enfin, je... Bref, un terrible drame vient de frapper notre ville de Burès. Oh, malheureux, malheureux. Oui, oui, le princeps a été assassiné pendant sa sieste. Oh, Maximus Malerus! Et comme par hasard, Sandalinae, la grande dame de Lurios, à qui nous avions pourtant apporté notre aide contre le Sénat de Rome, a disparu. Vous devez la retrouver, centurion. Ion, Directus. Et lui foutre mon poing dans la gueulus? J'ai jamais aimé les femmes qui prennent les métiers d'hommes. On est assassin, mais pas assassine. Mais on est à qui? Laissez ton bus. Je pars tout de suite à sa poursuite. Nous allons rejoindre Lurios. Je vous suivrai et interviendrai avec l'armée de Burès si besoin est. Prenez un détachement avec vous et vos meilleurs hommes. Oui, comme le soldat Conus Caracetus, le meilleur homme que j'ai. Conus ? Je suis là, Centurion, je suis Aurus. Vous êtes Aurus ? Tout à fait Aurus. Je parle avec le Hurt, tu vois, là, je parle avec le cœur, là. On va la retrouver, cette meurdereur. Son conseillus, nous partons dès maintenant pour Lurios. La centurion Directus s'en va pour Lurios à la recherche de Sandalinae, la traîtresse. La centurionne, hé, hey, Anculus. Mais où peut donc se trouver ce gladiateur Vince Davius? Où donc? Regardez derrière! Des chars qui nous rattrapent au loin, on voit la poussière. Sacre blus, ils nous poursuivent, que faire? Et regardez devant! Hola, hola bijou, chut bijou, hola! Une rivière, et le pont est bien plus en aval. Nous n'aurons pas le temps de nous y rendre, ils vont nous rattraper avant. Nous sommes perdus. Oh Vince Davius, c'en est fini de toi, tu étais presque devenu un héros. Excusez-moi, vous avez un problème? Qu'y a-t-il, vieil homme? Continue ta route avec ton bâton, nous saurons nous débrouiller. Je peux vous aider à passer la rivière si vous voulez. En échange, dites-moi où je peux trouver le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est tout au sud. Je vous aide. Mais pourquoi il lève son bâton au ciel comme ça? Il veut jouer au Bassus Balus ou quoi? Oh, par tous les dieux, l'eau s'écarte. Nous avons un passage. Merci, vieil homme. Vous pouvez m'appeler Moïse. Au sud, donc, le mont Sinaï, au sud, hein. Allez, foncez, Abdulus Paulus, foncez! Dépêchez-vous, Conus Karatecus, dépêchez-vous! J'essaie d'être le plus faster possible, Centurion Directus. Je reste Aweris, je pousse les chevaux, les horses, et ça vient du cœur, je vous jure. Et la course poursuit, continua et continua et continua encore et encore et continua et continua et continua. Abémolsi, là vous en faites un peu trop là. Oui, très bien, pardon, c'est si beau ce passage où Moïse écarte les eaux rien qu'avec son bâton de bois. Regardez, Vince, regardez, nous sommes sauvés! Lyrios, enfin! Ils arrivèrent à Lyrios et... Oh, oh, mais dites donc, vous avez vu l'heure? J'ai bientôt messe, là. Allez, fin de l'épisode. Non, attendez, ça va pas. Et l'épée de Damoclès, le centurion Directus... Centurion! Enculus! Oui, bon, centurion, tout ça, là, moi, je veux savoir la suite. Bon, d'accord, mais rapide, alors... Ils arrivèrent à Lyrios, ils se rendirent au palais de Sandalinae. La centurionne Directus et son conseillus lancèrent un assaut, brûlèrent les maisons de Lyrios pour se venger du meurtre du princeps de Burès, et voilà. Et Vince Davius et Sandalinae? Ah oui, le barbier Coiffus Visagius Pitus Bruchus les avait suivis et leur trancha la gorge. Jaloux que Vince Davius ait choisi Sandalinae comme amour de sa vie. Mais c'était faux! Ce Vince Davius était un sale menteur. Oui, mais Pétis Branchus ne le savait pas. La nuit où son conseillus et ses troupes brûlèrent Lyrios fut nommée la nuit des flambeaux. Une guerre allait éclater entre Burès et Lyrios, mais c'était sans compter l'arrivée de Jules César. Ce soir-là, les augures volaient dans la mauvaise direction. C'est le titre de l'épisode, hein, les augures volent dans la mauvaise direction. S'il vous plaît, Zandelurios, arrêtez de vous battre! Arrêtez, merdus! Qui est le responsable de tout ceci? Je suis son conseillus, conseiller du défunt princeps de la province de Burès. Nous avons attaqué Lyrios en représailles de l'assassinat de notre princeps par la ville Sandaline. Et je suis son conseillus. Alors prosterne-toi devant moi, descends de ton cheval. Son conseillus, regardez le nombre de cavaliers et de soldats qui sont derrière lui. Vous ne le reconnaissez pas? Laissez, centurion, je suis le soldat Conus Karatecus, espèce de petit couillus. J'ai beau être Awarus, tu manques de respect envers mes supérieurs. Je vais te Cassius la gueulus. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ses bras et ses jambes, lui? Il est complètement folus. Crivus pourritus. Arg. Eh oui, Zanami, j'ai pas mal de soldats, moi aussi, qui ont des lances, et ça fait mal une lance dans le ventre. Je suis Loser, je... Dying. Mais qui êtes-vous donc? Eh bien, je suis Jules. Julietus? Non, son conseillus, Jules César, notre empereur. Sou, et c'est une bonne réponse du centurion. Centurion, Je vous aime, Jules César. Bien. Bon, je vais laisser une garnison ici et une autre à Burès pour que la guerre n'éclate pas entre mes deux nouvelles provinces. Son conseillus, vous serez le raisin de Burès. Maintenant, partons dans cette ville. Je veux assister aux funérailles de votre princesse. Veni, vidi, vici. Son conseillus, on a retrouvé le corps de Sandalina et celui de Vince Davius. Ils sont morts, assassinés par on ne sait qui. Nous avons repris l'épée de Damoclès, le bien du princeps. Merveilleux! Nous l'enterrerons avec notre princeps. Et le calme revint entre les deux régions de Lyrios et de Burès, respectivement Moncu et Bidbourg. Le princeps fut enterré dans une grotte à côté de la ville et avec lui l'épée de Damoclès qui pouvait soumettre n'importe quel dirigeant du monde. Mais ça, les gens de l'époque étaient trop cons pour le savoir. Jules César repartit à Rome, heureux que le plan du Sénat ait marché. Ils avaient tué le princeps qui devenait gênant, pacifié une nouvelle fois la région de l'est de la Gaule, et éliminé un agent trop fourbe, Vincidavius, qui en plus, d'après les rumeurs, avait un monsieur Dumbus pas très vivace d'après les romaines de l'époque. Quelques années plus tard, alors que Jules César monta les marches, son fils Brutus, à qui il interdisait si souvent de jouer avec les couteaux, lui en enfonça un par plusieurs coups dans le corps, accompagné de camarades de jeu. Toi aussi, Brutus, mon fils! Ah, la vie est cruelus! Je meurs en héros tel Vercingétorix! Pardon? Vercingétorix! C'est triste comme histoire. Je n'aimais pas ce Vincidavius, il était drôlement vilain. C'est le passé de Bitbourg, mon fils, le passé de notre ville. Ouais, bon, ben merci, je vais y aller maintenant. Bonne journée, Abbé Molsi. Va dans le paix de Dieu, Vincent David. Merci encore. Vincidavius. Ce nom me dit quelque chose, mais quoi ?